Le journal Internet sud-coréen La Voix du Peuple a inséré le 22 un éditorial réclamant au secrétaire général de l'Assemblée générale de l'ONU, Ban Ki-moon, de présenter avant tout les aveux sur le fait d'avoir suivi Park Geun-hye avant de s'engager aux élections présidentielles. Par ailleurs, le bureau du porte-parole du Parti pour la récupération du bien-être a publié le 22 un commentaire contre Ban Ki-moon, qui, ambitieux du pouvoir, s'est joint au milieu anti-Park du Parti pour un nouveau monde en faisant volte-face de la conduite pro-Park.